À la deuxième trompette, on vit la mer devenir sang. Et voyez, le sang a été répandu. La prophétie de l'Apocalypse. Salut à tous et bienvenue à l'écoute d'Apocalypse avec cette semaine une émission en format spécial puisque c'est l'émission mensuelle consacrée à l'étude de l'histoire dans le genre, je mets ça avec des guillemets évidemment puisque tout ça reste non exhaustif et cette semaine c'est le black metal qui est à l'honneur après avoir fouillé un petit peu du côté du death metal il y a un mois. L'histoire du black metal est marquée par deux périodes clés. Une première vague au début des années 80, et une seconde chevauchant la toute fin de la même décennie et le début de la suivante. Bien que musicalement ces deux vagues soient assez différentes, l'influence des premiers groupes étiquetés comme tels sur la scène norvégienne, la seconde vague donc, permet de créer une filiation entre ces deux mouvements. L'invention du terme est attribuée aux Anglais de Venom, leur deuxième album sorti en 82 portant le nom de Black Metal. Groupe charnière s'il en est, Venom est une véritable pierre angulaire dans le métal extrême, posant les bases de l'imagerie satanique qui colle au black metal. Ils sont également cités comme une référence par un certain nombre de fondateurs de la scène death. Bref, un héritage comme peu de groupes en ont. Sur l'aspect visuel et thématique, Venom met en avant comme personne l'occulte et le satanisme. C'est le premier groupe de l'histoire à avoir utilisé Satan sur une pochette d'album, avec Welcome to Hell sorti en 81. De ce côté-là, l'affiliation avec la seconde vague est directe. Musicalement, en revanche, le style de Venom s'apparente à un heavy rugueux dans lequel un peu de punk serait venu faire la fête, juste histoire de mettre le boxon dans les solis et de virer tout ce qui pourrait être épique. À ce stade, toujours pas de blast à toute berzingue, le chant reste compréhensible et l'ambiance froide et sombre qui caractérise le black metal moderne n'est pas encore totalement mise en place. Évidemment, rien de mieux que le morceau black metal extrait de l'album du même nom sorti en 82 pour illustrer cette première étape. Let's Dans les inspirateurs de l'imagerie provocante que l'on retrouve en Europe, on peut citer Hellhammer, qui devient par la suite Celtic Frost, et Mercyful Fate, même si là, musicalement, leur influence est moins évidente. Avec ces premiers artistes, les thèmes et les visuels black metal sont posés, mais un groupe définira de manière plus poussée le son et le style musical. Entité sous le contrôle total de Quarton, multi-instrumentiste, seul membre permanent et donc tête pensante de la formation, Bathory est sans doute le groupe de la première vague qui a posé les bases musicales de ce que l'on connaît actuellement dans le black metal. Avec ses deux premiers albums, Bathory en 84 et The Return of the Darkness and Evil en 85, le groupe de Quarton s'empare de la sauvagerie et de la haine pour en faire des riffs acérés et agressifs. Là encore, les sonorités n'évoquent pas tout à fait ce que l'on classe aujourd'hui dans le black metal, mais plusieurs facteurs autres que la musique feront de Bathory l'une des références pour toute la vague norvégienne qui grandit dans l'ombre à la même époque. Le coup de force de Quarton est le contrôle, plus ou moins volontaire selon les interviews du monsieur, qu'il opère sur son image. Là encore, maquillage, crâne et occultisme sont de la partie, mais c'est le côté misanthrope et solitaire qui marquera les esprits. Bathory ne donne pas de concerts, accorde peu d'interviews, les images de Quarton sont rares et toujours mises en scène. Bref, l'archétype du compositeur élitiste et isolé fait son apparition. Au-delà d'une innovation musicale indéniable, Quarton va au travers de Bathory établir une espèce d'esprit black metal qui inclut une forme de misanthropie plus ou moins réelle, une position critique envers tout ce qui est phénomène de masse et une méfiance vis-à-vis de la presse, tout en sachant s'en servir pour se montrer. Quelques ingrédients que des petits malins du côté d'Oslo sauront utiliser. À l'image de Death, pour la scène Death Metal, Bathory reste aujourd'hui un groupe très respecté par les musiciens. En témoigne le nombre incalculable de reprises qui parsèment les discographies des groupes black metal, jusqu'à l'album Tribute to Bathory de Watain qui est sorti cette année. Aucun doute, Bathory restera à jamais dans l'histoire. Yeah. Pour compléter le paysage musical qui a influencé la seconde vague, il faut encore citer une troisième composante qui est souvent moins étudiée mais tout aussi importante, la scène sud-américaine et plus particulièrement la scène brésilienne. Dans ce pays ultra-catho et à la répression fermée et musclée, certains jeunes voulaient mettre en pièces les symboles du pouvoir oppresseur dont ils étaient victimes et se sont tournés vers la musique saturée. Ce qui vaut mieux que le djihad, vous en conviendrez. Une flopée de groupes a donc vu le jour dans les années 80, notamment sous la houlette du label Cogumelo Records. Peu de groupes ont tenu sur la durée, mais deux d'entre eux ont une influence particulière sur le black metal et le metal en général. D'un côté, Sepultura qui reste le groupe phare d'Amérique du Sud et qui explorera le plus le death et le thrash, bien que leurs premiers efforts, l'EP Bestial Devastation et l'album Morbid Vision, apportent des éléments de black metal primitif. Le deuxième groupe resté dans les annales est Sarcophago, fondé par Wagner Lamounier, qui avait joué avec Sepultura. Mais si Sarcophago restera bien plus underground que la bande des Cavalera, il aura une très grande importance sur le black metal norvégien en pleine ébullition à l'époque des sorties sud-américaines. On écoute pour illustrer le propos Satanic Lust, morceau d'ouverture de Inri, premier album de Sarcophago sorti en 87, dans lequel on sent poindre le blast beat. Comme vous l'avez entendu, le caractère froid aujourd'hui communément associé au black metal n'est pas encore totalement présent dans la scène sud-américaine. Mais leur fureur et leur goût de la provocation n'aura pas échappé à un certain Euronymous, guitariste de Mayhem et futur leader de la scène norvégienne. Formé en 1984 par Euronymous, Necrobutcher et Ketil Mannheim, Mayhem est un groupe à l'histoire tortueuse jonchée de cadavres en même temps que l'un des fondateurs et piliers de la scène norvégienne. Le nom est tiré d'un morceau de Venom, Mayhem with Mercy, et ils pratiquent une musique emplie de haine et de misanthropie, héritage de Bathory. Leur première démo Pure Fucking Armageddon sera en cassette en 1986, éditée à seulement 100 exemplaires. À part quelques changements dans le line-up et la sortie de l'EP Death Crush, le début de l'histoire de Mayhem reste assez sage, jusqu'à l'arrivée de Dead au chant en 1988. Personnage étrange et peu sociable, Dead apporte une aura de folie au groupe à grand renfort de performances impliquant corbeaux morts et mutilations. La légende Mayhem se forge. L'histoire s'emballe quand Dead se suicide avec son fusil de chasse le 8 avril 1991 et que Euronymous découvre le cadavre. Son premier réflexe est naturellement d'aller acheter un appareil photo pour immortaliser la scène et la photo se retrouvera sur la pochette du bootleg Dawn of the Black Hearts. Mais avant de continuer plus loin dans la trajectoire de Mayhem, il faut présenter quelques groupes de la scène norvégienne en pleine expansion au moment de ce premier événement sanglant. Sans entrer dans tous les détails de construction et de déconstruction de line-up extrêmement nombreux dans la scène black metal, il faut néanmoins suivre la mise en place d'une véritable communauté au sein de la scène, nommée l'Inner Black Circle, avec son QG, le magasin Helvete, dirigé par Euronymous. Au sein de l'organisation, on retrouve des membres d'Emperor, Darkthrone, Burzum ou Immortal. Mais tout ce petit monde se réunit pour faire autre chose que de la musique, et au début des années 90, la Norvège est victime de plusieurs incendies criminels visant des églises. Le nombre imputé à l'Inner Black Circle reste sujet à débat, mais la culpabilité de certains de ses membres est établie sans difficulté. Dans ces années troubles, plusieurs albums majeurs voient le jour, et déjà, des sous-familles émergent. Darkthrone développe un black metal minimaliste et dépouillé, avec ses 4 premiers albums, et lance le coup d'envoi du mouvement True Black Metal. Étiquette maintenant un peu galvaudée, le True Black Metal renvoie aux enregistrements amateurs de qualité variable qui ont émergé au cours de cette période. Le son arrache, la batterie sonne rêche, la basse fuck you, et le chant se tourne vers un registre écorché et malsain, hérité de Dead, dont l'impact reste énorme rapport à la durée de sa carrière, en live et une démo. A l'image de Bathory, le groupe donnera très peu de concerts, une poignée en tout début de carrière, ils s'abordent ensuite leur tournée anglaise et ils font une seule apparition d'une demi-heure au Wacken de 2004 et c'est tout, en presque 25 ans d'existence. On va tout de suite s'écouter Summer of the Diabolical Holocaust, extrait de l'album Under a Funeral Moon qui était sorti en 92 et qui marque clairement le style Darkthrone avec son son complètement dégueulasse et cette espèce d'écho sur la voix qui offre une vraie sensation d'austérité malsaine. Thank you. Parmi les autres styles dont les premières ébauches ont été dessinées au sein de l'Inner Black Circle, figure le black metal symphonique. Emperor, formé de Samost et Ishan, puis rejoint plus tard par Faust, ajoute au son froid et agressif du black metal une couche de clavier plus mélodique et par la suite des orchestrations plus travaillées. Le résultat est une musique ambivalente, mélangeant hargne et beauté au sein d'un même espace. Bien que formé en 91, Emperor ne sortira pas d'album avant 94 avec le majestueux In the Nightside Eclipse, et le suivant ne verra le jour qu'en 1997. La raison de ces délais est le passage par la case prison de Samos et Faust, le premier pour incendie criminel et le second pour meurtre. Voilà dans quelle ambiance sont nés le black metal et ses premières ramifications, dans la violence sans but, dans la haine du monde. Évidemment, les bases posées par Emperor ont été réutilisées par d'autres, en Norvège et ailleurs. Dans les noms les plus marquants figurent Dimmu Borgir et Cradle of Filth, les premiers albums. La suite s'apparente plus à un black metal gothique à tendance macabre. En France, Anorexia Nervosa s'est démarqué dans le genre, et plus récemment, Kara Schengren a mis pas mal de monde d'accord avec son black sympho ultra codifié et théâtralisé. On va s'écouter tout de suite Into the Infinity Thoughts, extrait de l'album In the Nightside Eclipse, sorti en 91. A noter qu'à la sortie de l'album, Ishan n'a que 19 ans. Foutu génie précoce. Avec la sortie du premier album d'Emperor, nous sommes déjà en 1994, après que le black metal et sa folie aient fait la une du magazine Kerrang, mettant sous le feu des projecteurs Vikernes, leader de Burzum, et Euronymous, dans une interview où les deux musiciens mettent à nu leur idéologie violente. Mais c'est surtout après l'assassinat du second par le premier qui marque la fin de cette période où la musique semblait se transformer en une cause défendue par des fanatiques. C'est le 10 août 1993 que Vikernes, alors recruté comme bassiste au sein de Mayhem pour l'enregistrement de l'album De Mysteriis Dom Satanas, débarque chez Euronymous et le poignarde 23 fois avant de s'enfuir. Il sera rapidement arrêté par la police suite aux dénonciations d'une partie des membres de l'Inner Black Circle. Il sourira lors de l'annonce de sa peine de prison, 21 ans en ferme, peine maximale en Norvège. Mais ce qui aurait pu signer la fin de Mayhem ne sera qu'une péripétie de plus et fera entrer De Mysteriis Dom Satanas dans le panthéon des albums cultes. Cet album reste aujourd'hui l'une des pierres angulaires du black metal, avec son ambiance glaçante, son aura impie et la touche d'avant-gardisme que Mayhem aura toujours à cœur de perpétuer par la suite. Sorti à la fin de la grande période d'expansion du black metal, De Mysteriis Dom Satanas est à la fois la conclusion d'une époque tourmentée et une étape dans une histoire encore riche de nouveautés. La carrière du groupe continuera avec des changements de line-up moins brutaux que ceux du début de carrière, mais toujours assez fantasques. Maniac au chant fera quand même un tour en hôpital psychiatrique avant de laisser tomber complètement le groupe à cause de son agoraphobie et de son alcoolisme. Et pour illustrer tout ça, on va s'écouter Pagan Fears, extrait du magnifique De Mysteriis Dom Satanas. Rien de plus à dire. À la sortie de Dennis Terry's Dom Satanas, le mouvement black metal avait déjà fait des émules hors de la Norvège. En Pologne, Behemoth fait ses premières armes. En Israël, c'est Melechech qui émerge doucement. De l'autre côté de l'Atlantique, Blasphemy sévit dès 1990. En Suède, on retrouve Marduk, projet monté par le guitariste Morgan et affichant la volonté claire d'être le groupe le plus agressif de la scène, ce qu'ils arrivent à faire, mine de rien. Et en autre groupe, qui ajoutera quelques cadavres dans l'histoire du black metal, Dissection. Mais au-delà des cadavres, un Marocain gay assassiné par John Nutvide et un complice, et le chanteur John Nutvide lui-même qui se suicidera en 2006 pour aller saluer Satan, Dissection est à l'origine de l'école suédoise de black metal. John Nutvide se servira des sonorités apportées par la scène norvégienne pour y ajouter ce que la Suède fait de mieux en matière de musique, des mélodies. Comme pour le death metal, la Suède sera le berceau d'une forme un peu différente de black metal, incorporant des éléments plus heavy dans la machine à blasphème. Sans être défini comme un sous-genre à part entière, la musique créée par Dissection aura un impact sur de nombreux groupes, notamment Watain, qui poursuit aujourd'hui expressément l'œuvre de Dissection. On s'écoute tout de suite Where Dead Angels Lie, extrait de l'album Storm of the Light Spine, sorti en 95. Dans les dérivés apparus après les événements morbides du début des années 90, on recense plusieurs sous-genres dans lesquels s'inscrivent de nombreux groupes. Avec le suédois de Shining, fondé en 1996 par le fantasque, euphémisme, Niklas Kvarfoss Olsson, c'est le black metal dépressif ou suicidaire, si vous êtes vraiment mal dans votre peau d'adolescent boutonneux, qui fait ses premiers pas. Marqué par des ambiances sombres et illustré par des paroles tournant autour de thèmes tels que le suicide, la mutilation ou la mort, ce genre s'illustre par des morceaux plutôt lents et un recours moins fréquent au blast beat, préférant des tempos plus posés, histoire de mettre des ambiances où l'auditeur a le temps de comprendre à quel point sa vie est nulle. Le genre est donc représenté par Shining, mais on peut également citer Total Self-Hatred ou Forgotten Tongue. Pour illustrer ce sous-courant, un morceau extrait du cinquième album de Shining, Almstadt, et je me garderai bien de prononcer le titre du morceau, puisque c'est en suédois, et donc je vous en renvoie à la playlist pour avoir le titre. Moi, je me garde de ce genre d'expérimentation linguistique. C'est tout de suite. We'll be right back. Aujourd'hui, le black metal est toujours en pleine évolution, avec un nombre impressionnant d'hybridations. Kvartalak et son mélange de black metal et de hardcore, Alceste qui a lié le black metal et le shoegaze, le viking metal avec sa diversité assez difficile à synthétiser, ainsi que la multitude de groupes œuvrant à la frontière entre le black et le death, le black et le thrash, etc., etc. Il reste donc encore beaucoup à dire sur le black metal, d'autant plus qu'il existe maintenant des scènes dans le monde entier et donc autant de possibilités de mutation. La scène black japonaise que je ne connais pas du tout par exemple doit avoir de sacrés groupes connaissant la capacité du pays à faire les choses les plus folles avec ce qui arrive d'Occident. Il y a également le metal noir canadien qui reste une entité assez particulière dans la galaxie black metal. Bref, je vais donc m'arrêter là pour cette fois, quitte à reprendre plus en détail un de ces sous-genres ou scènes particulières dans une future émission. Si vous voulez plus de détails sur les affaires sordides de la scène norvégienne, sur le cas Bathory ou sur l'influence de la scène sud-américaine, je vous conseille les papy cultes de Toys1TV disponibles dans la partie Web TV Dorms Up, chacun des épisodes se concentrant sur une de ces scènes en particulier et donc fouillant un petit peu plus le sujet, là où je survolais histoire de dresser un panorama assez large de la chose. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour une émission complètement normale. Donc actualité, découverte, etc., etc. J'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des choses à ajouter, des oublis que j'aurais fait. Forcément, des oublis, il y en aura puisque je n'ai pas vocation à être exhaustif, simplement à dessiner une espèce de structure du genre. Du coup, d'ici là, portez-vous bien, écoutez des bonnes choses et bonne semaine à tous.